les tiers, parce que c'est son PowerPoint que j'ai juste modifié un peu. OK. Ce matin, on va parler d'un sujet que n'a jamais vraiment parlé dans les Écritures. C'est quelque chose d'absolument inconnu pour vous autres. Vraiment inconnu. C'est l'amour. C'est difficile d'en parler de l'amour parce que vous allez voir tout à l'heure, les Écritures en parlent abondamment. Et plus que ça, Dieu s'est choisi le pire joueur pour en parler, c'est moi. Moi, l'amour, ça me laisse frais. J'exagère un peu, vous comprenez, je caricaturise, mais je ne suis pas le bon gars pour en parler. Mais Dieu a ses plans et ses manières de faire. Comme Jonas, c'était peut-être pas le bon gars à envoyer à Ninive, en première vue. Je pense que Dieu s'est très bien glorifié à travers Jonas. À Ninive, hein? Je pense qu'il peut faire la même chose avec nous autres ce matin, à travers un individu qui n'est peut-être pas l'idéal pour en parler. On a vu jusqu'à date plusieurs choses. On a vu l'introduction du livre, de l'Apocalypse. Je ne veux pas faire un résumé de tout ce qu'on a vu. Michel, la semaine passée, nous a introduit dans le royaume de Dieu et nous a amené à réfléchir sur le fait que le livre de l'Apocalypse, c'est une manière de Dieu de compléter sa révélation au sujet du royaume de Dieu. Et le royaume, évidemment, implique un roi. Et le roi que Dieu a appointé, c'est Jésus-Christ. Hein? On avait vu l'autre fois, Jean-Claude avait commencé à aborder le sujet des sept églises. Ce matin, on va aborder le sujet de la première église, l'église d'Éphèse. Okay? Et on devrait, comme ça, par la grâce de Dieu, aller une église à chaque semaine. Fait que vous savez à peu près vers quoi on va être occupé pendant les sept prochaines semaines en comptant ce matin, c'est-à-dire l'église d'Éphèse. Les sept églises d'Asie. il est intéressant, au niveau de l'Église, Dieu n'a pas mis un roi sur l'Église, bien que Jésus est roi, ok, on est d'accord, mais comme chef de l'Église, il n'est pas mentionné comme étant le roi de l'Église, il est mentionné comme la tête du corps de l'Église, du corps de Christ qui est l'Église. C'est évident, c'est lui qui dirige l'Église, c'est lui qui agit comme un roi, mais il n'est pas mentionné comme un roi en ce qui concerne l'Église. Parce que l'Église a une relation d'épouse avec son époux. Aimeriez-vous ça, mesdames, que votre mari dise « Hey, c'est moi le roi. » Marche comme ça, sinon je sors mon armée. Pas comme ça, hein, que ça fonctionne. Pourtant, vous êtes tout oui devant vos maris, vous voulez vraiment honorer Dieu en vous soumettant à eux, etc., etc., etc. Sans qu'il ait besoin d'agir comme un roi. Je vous dis, je n'avais même pas ça dans mes notes, mais ça me vient comme ça. Et c'est un peu ça que le Seigneur vit en relation avec l'Église. Vous allez voir qu'il la connaît, sa femme. Il la connaît. Ce matin, on va voir qu'une des facettes de sa connaissance de l'Église, qui est l'Église d'Éphèse. Peut-être. OK, comme ça. On peut se voir de même. Mais je voulais le montrer, moi, du point de vue relationnel. Ce n'était pas comme un roi qui, avec son armée, fait peur à sa femme. C'est pas ça. C'est bon. C'est un bon point. Gardez ça dans votre tête. Ça complète. On va lire le passage. C'est sept versets. Vous allez voir, ce n'est pas tellement long. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. C'est le passage qu'on va regarder ce matin. Vous vous rappelez? Oh, je n'ai pas posé sa bonne place. Oups, j'ai été tendu un peu. Ouais. C'est un graphique que nous avait présenté notre frère Gilles pour localiser les sept églises. L'église d'Éphèse, vous la voyez, là, est dans le bas, du côté gauche, avec les sept autres églises qui sont là. Mais déjà, à ce moment-là, il y a plusieurs églises qui existent. Vous avez toutes les églises de Thessalonique, probablement Bérée, Nicopolis, Corinthe, Athènes. Il y a des églises qui sont du côté d'Herbe, Lys, Iconium, Antioche, de Pisidie, là, Antioche qui est là. Il y a probablement des églises en Crète, à Chypre. Il y en a plusieurs églises. L'Évangile est vraiment pénétré à l'intérieur de l'Europe et de l'Empire de Rome. Ce n'est pas le seul endroit où a pénétré l'Évangile, mais c'est l'endroit qui nous préoccupe, nous, ce matin, avec l'église d'Éphèse. Ça n'a pas beaucoup d'importance dans notre discussion, mais ça vaut quand même vous permettre de vous situer. C'est intéressant de voir que, et je ne veux pas déborder beaucoup sur l'église d'Éphèse ce matin, mais je dois quand même le mettre dans le contexte des sept autres églises, que à travers ces sept églises-là, Christ veut parler, Jésus-Christ veut parler à l'église de tous les temps, tout en abordant des problèmes dans ces églises-là, ou des, pas toujours des problèmes, mais aussi des choses que les églises font qui sont correctes, qui sont spécifiques à chacune de ces églises-là, de ces communautés-là qui ont existé. C'est vraiment des églises qui existaient. C'est pas des églises inventées pour le livre de l'Apocalypse, là. Comprenez? Il est intéressant de comparer ce que le Seigneur va dire à chacune des églises. J'ai fait un tableau ici, je ne vous le distribuerai pas ce matin, là. Il nous reste encore à le peaufiner. Dans lequel on peut voir ce que Jésus dit à chaque église ou ne dit pas à chaque église. Il y a des églises où le Seigneur, par exemple, ne fait pas de reproches à l'église. Il y a d'autres églises, le Seigneur va faire des promesses spécifiques à l'église, en tout cas. Ce sont des sujets qui sont répétitifs d'une église à l'autre, ce qui nous laisse croire que Jésus vraiment a un message, pas seulement pour l'église de la fin du premier siècle, mais pour l'église de tous les temps, à travers ces sept églises-là. Donc, il est important pour nous d'en saisir la profondeur de ce que le Seigneur veut nous transmettre. Évidemment, après ça, de prendre ce qui fait notre affaire, mais ce qui, nous, on doit soit corriger, soit développer davantage, parce que c'est ce qu'on fait de bien. Ça va? Et le sujet particulier de l'église d'Éphèse, ça va être l'amour. Le premier amour. On va y revenir tout à l'heure là-dessus. Ça va? L'histoire de l'église d'Éphèse, vous l'avez ici. Il y a des choses qui sont dans la Bible, il y a des choses qui sont tirées de la tradition. Vous avez d'abord à la Pentecôte des Juifs venus d'Asie, de la région d'Éphèse, qui étaient présents lors de la Pentecôte et qui se sont convertis à Jésus-Christ lors de la Pentecôte. Ce sont des Juifs, pas des païens. Après ça, vous avez la première mention avec peut-être pas la première mention, mais une mention importante, vous avez Priscille et Aquila vers l'année 52. Les chiffres qui sont à gauche, ce sont les chiffres des années, selon notre ère à nous. Nous, on est en 2019, on va finir par le trouver. Eux, ils étaient en 0033 et 0052, ça va? Tchou! Ouais. Vous avez eu un bref entretien de Paul dans la synagogue. En même temps qu'Aquilas et Priscille se sont installés dans la région d'Éphèse, Paul est arrêté dans la synagogue, il a parlé peut-être pendant quelques jours maximum, puis il s'en allait à Jérusalem. C'est pas le moment où l'Église a été fondée. En 52, il y a aussi la conversion d'Apollos qui a lieu dans la région d'Éphèse. Priscille et Aquila vont entendre parler Apollos dans la synagogue et ils vont lui expliquer plus exactement ce qui concerne le Seigneur Jésus parce qu'Apollos n'avait été baptisé que du baptême de Jean. 53, là, l'apôtre Paul revient pour le troisième voyage missionnaire. Il s'en va sur la région d'Éphèse et les premières personnes qui sont mentionnées dans le livre des Actes sont 12 hommes qui étaient des disciples de Jean-Baptiste et qui se sont convertis. Ils étaient déjà presque convertis, mais on leur a expliqué en quoi consistait exactement suivre Jésus-Christ, puis ils ont reçu le Saint-Esprit comme les autres. Paul va commencer d'abord dans la synagogue, c'est sa coutume. Il va prêcher l'Évangile à travers la synagogue, mais après 3 mois, il y a de l'endurcissement, puis les Juifs commencent à faire de l'opposition. Et là, il va séparer les frères de la synagogue. Et on peut dire que l'Église a commencé physiquement à ce moment-là. Il va continuer à enseigner dans l'école d'un nommé Tyrannus. Rappelez-vous que les églises, dans ce temps-là, c'est dans les maisons. Mais à l'occasion, ils se rencontrent tous ensemble, probablement, ou partiellement. Et quand il dit « on les sépare de la synagogue », c'est probablement à ça qu'il fait référence. En 55, l'apôtre Paul va passer 2 ans et 3 mois pratiquement à Éphèse. Il va aller faire un tour en Macédoine, 3 mois, il va revenir. Puis en revenant, il va arrêter à Milet, puis il va faire venir les anciens. Vous vous rappelez de ça, c'est dans le livre des Actes. Et il va donner le dernier message aux anciens, puis il ne reviendra plus dans la région d'Éphèse après ça. En 60, il va avoir l'écriture de la lettre aux Éphésiens et aux Colossiens. En passant, la lettre n'a pas été adressée d'abord aux Éphésiens, elle a été adressée probablement à la Odyssée. Parce qu'on a une référence dans le livre dans l'Épître aux Colossiens qui mentionne une lettre qui va arriver de la Odyssée et qui devait s'échanger les lettres. Je pense que c'est comme ça que l'Épître a commencé, puis elle a fini par s'appeler l'Épître aux Éphésiens. Et on a l'Épître aux Colossiens qui a circulé dès 1960 à cette époque-là. Après ça, il y a les lettres de Pierre. Pierre, si vous regardez dans son adresse, le premier Épître, vous voyez qu'il fait référence aux gens, aux églises de l'Asie. Déjà, c'est plus le centre n'est plus Jérusalem, mais tout le centre de l'évangélisation se transporte vers la région d'Éphèse, vers la région de l'Asie, vers les églises qui sont en Grèce et vers Rome éventuellement. Et deuxième lettre de Pierre qui a lieu en 67, peu avant son martyr. Mort de Paul et de Pierre, 67-68. Les dates, c'est pas plus ou moins important. En 75, l'évangile de Jean. On n'est pas capable de le dater plus précisément, mais on sait que c'est dans le dernier quart du premier siècle. Jean a écrit l'évangile de Jean. C'est-à-dire Dieu a écrit l'évangile de Jean à travers Jean. Ça va? Et les 3 épîtres de Jean, c'est pareil. On n'est pas capable de les dater mieux que ça. Puis l'Apocalypse, on sait que ça a été écrit pendant que Jean est emprisonné à Patmos. On sait qu'il a été libéré vers 96 quand il y a eu un changement d'empereur à Rome. Ça fait que l'écriture de l'Apocalypse a eu lieu peu de temps avant sa libération. Et Jean est mort après 98. On n'est pas capable de situer sa mort. Ça fait que ça vous localise un petit peu dans le temps. Pourquoi tout ça, cette information-là? Montrez que c'est vraiment là que ça se passe. Je l'ai montré sur la carte tout à l'heure. Et que l'Évangile va prendre l'extension mondiale à partir de cette région-là. Et que les gens d'Éphèse n'ont pas été privés d'enseignement. Ils ont reçu beaucoup d'enseignement. Ils étaient dans là où ça se passait. Il faut juste garder ça dans notre tête. Puis, l'Évangile se passait là, mais il y a aussi tous les courants qui ont pu exister, des fausses doctrines, des choses comme ça, ça a traversé dans ces églises-là. Rappelez-vous l'exhortation de l'apôtre Paul, là, quand il parle aux anciens de Milet, à Milet, aux anciens de l'église d'Éphèse, quand il leur dit qu'ils ne reverront plus son village. Je sais qu'après mon départ, il va y avoir des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Et ça s'est passé. Chose aussi à remarquer, c'est qu'il y a, entre la fondation de l'Église et le moment où l'Épître aux Éphésiens dans le livre d'Apocalypse va leur être envoyé, il y a 43 ans environ. Quel âge qu'a l'Église ici? Levez la main, ceux qui savent. Quelle année qu'elle a été fondée? 77. Mont-Saint-Hilaire. Oui, pas n'importe quel, là. Mont-Saint-Hilaire. Ça fait 32 ans. Ça fait 32 ans que l'Église a commencé dans une maison avant de... Ça venait de Longueuil. On a essaimé ici, puis on a commencé dans une maison, puis là, petit à petit, il s'est formé une église. Et on est 32 ans plus tard ici. Donc, plus jeune que l'Église d'Éphèse, quand elle va recevoir la lettre aux Éphésiens du livre d'Apocalypse. 10 ans plus jeune environ. Ça va? Juste pour vous situer. Ça évolue-tu une église dans 30 ans? Ça change? On perd de vue des choses des fois? On en rentre d'autres? On espère qu'on s'en va en croissant? Mais des fois, ça ne s'en va pas dans le bon sens. Aussi. On se comprend? Ça change une église. C'est vivant. C'est un corps vivant. C'est pas un corps mort. Gardez ça dans votre tête, dans votre cuite. En passant, les autres églises comme Laodicée, Colosse, ça a été créé en même temps que l'église d'Éphèse. C'est l'église d'Éphèse, puis ça a rayonné à partir de l'église d'Éphèse. Colosse, c'est à peu près dans les mêmes temps. Smyrne, Pergame, Thyatire. C'est des églises qui ont commencé d'exister là, vers les années 50 à 60. Okay? Parce que l'église, l'Évangile a rayonné à partir de la région d'Éphèse, beaucoup. Maintenant, on va analyser notre texte qu'on a lu ce matin. Le tableau va se déplacer de droite à gauche. Là. On est obligé de le présenter en deux parties pour que vous puissiez être capable de lire un peu. Là. Il va y avoir une suite de ce côté-là. Là, okay? Vous allez voir sur la prochaine slide. Normalement, on peut le mettre tout à l'horizontale, puis c'est toute l'église d'Éphèse. Fait que d'abord, Jésus-Christ se présente comment à l'église d'Éphèse? Dans cette écriture de cette lettre-là, vous l'avez là. Celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et celui qui marche au milieu des 7 chandeliers. Ça veut dire quelque chose. Hein? Ça veut dire que c'est pas n'importe qui là, qui crée l'Église. Ça va? Il y a l'autorité. Et on a lu abondamment, on a étudié à date la présentation de Jésus dans le premier chapitre, et c'est de là que vient la référence ici, les 7 chandeliers. Fait que Jésus commence d'abord par dire « Je connais ». Je sais. Des fois, c'est « Je connais », « Je sais », peu importe le terme en français, là, mais ça revient au même. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Tu les as trouvés menteurs. Et que tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom. Tu ne t'es point lassé. Tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Beau CV. N'est-ce pas? Pour être fier de ça, hein? Il semble que quelqu'un qui débarquerait ici, « Hey, l'église Saint-Hilaire, c'est extraordinaire ce que vous faites. Faites ci, faites ça, faites ci, faites ça. Vous hésitez, on vous persécute, vous continuez. » Beau CV. Pourquoi il y a toujours un « mais » Il n'y a pas tout le temps des « mais » dans toutes les églises. Je vous le dis tout de suite, là, l'église de Smyrne, il n'y aura pas de « mais ». Il y a juste du bon. Puis l'Église de Philadelphie, juste du bon. C'est intéressant que le Seigneur Jésus reconnaît ce qui est fait dans cette Église-là qui est valable. Mais, effectivement, il y a un « mais » dans cette Église-là. Et ce que j'ai contre toi, t'as abandonné ton premier amour. Hein? C'est, vous le savez avant même que je vous le dise. Vous le connaissez déjà depuis longtemps. Mais, c'est un beau CV que l'Église a là. Mais il y a quelque chose de fondamental que Jésus voit derrière ce CV-là qui peut être impressionnant aux yeux des croyants, des autres croyants ou même des autres églises. Il y a quelque chose de fondamental qui est très, très nocif pour l'Église. Et c'est pour ça qu'il y a un « mais » dans cette Église-là. On va y revenir tout à l'heure. Voyons, je suis encore trompé. Qu'est-ce que Jésus-Christ recommande à cette Église-là qui, chez laquelle il a trouvé un mais? Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Là, Jésus-Christ va aller un peu plus loin, il l'avertit. Je viendrai à toi, si tu ne te repens pas, là. Je vais juste m'assurer que je n'ai pas manqué un bout de texte. Non, c'est ça. Sinon, il y a un sinon qui manque, là. Quand il dit, sinon, je viendrai à toi. Hein, ça, il manque le sinon dans le texte. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. À cette église-là, Jésus ne promet rien de particulier. Et à la fin, il va appeler, non pas l'église, mais les individus dans l'église, la phrase que vous voyez là, que celui qui a des oreilles à entendre ce que l'Esprit dit aux églises, ça revient dans les sept églises, comme un marteau. Ben. Mais à celui qui vaincra, ça varie d'une église à l'autre. Là, il s'est bien dit, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Ce qu'on peut tout de suite remarquer, je n'ai pas pris le bon encore, okay. Ce qu'on peut remarquer, j'ai perdu mon idée, mais c'est pas grave, elle va revenir. Ça va revenir tout à l'heure, je l'ai perdu. C'est quand on fait des... C'était pas le temps de le dire. Oui, ça varie d'une église à l'autre, à celui qui vaincra. C'est dans toutes les églises, mais le sujet de celui qui vaincra n'est pas le même. Oui. Il m'est venu une idée tout à l'heure, mais c'est pas celle-là. On reviendra. Vous voyez que ici, dans les reproches qui est fait à l'église d'Éphèse, il y a un sujet extrêmement important. Malgré tout son CV, le Seigneur insiste sur un point fondamental. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Le sujet de l'amour dans le Nouveau Testament, là, c'est pas un petit sujet. C'est énorme. Je sais pas si vous avez pris la peine, à un moment donné, de dire, je veux lire le Nouveau Testament, mais juste en regardant les sujets sur les versets sur l'amour, vous n'aurez pas beaucoup de versets que vous n'aurez pas lus. OK? Maintenant, ici, j'ai juste fait une petite recherche là, sur les mots spécifiques de l'amour en grec. Le premier mot qu'on rencontre, c'est le mot agapé, vous connaissez déjà. Il revient 106 fois dans le Nouveau Testament. Généralement traduit par amour, charité, qui est en français, qu'on ne le traduit pas toujours de la même manière. Amour, charité. Charité, au Québec, ça veut dire bien des affaires différentes de l'amour, hein, souvent. Mais, par exemple, la charité... Dans 1 Corinthiens 13, là, vous avez tout le discours sur la charité, mais c'est le mot amour qui est là aussi. Et des fois, c'est traduit aussi par le verbe, mais très rarement. Vous avez l'adjectif agaptos, qui revient 60 fois dans le Nouveau Testament, et qui est traduit par bien-aimé, une fois par élu. Mais le élu en question, ça s'applique au Seigneur Jésus, le bien-aimé. Ça va? Parenthèse ici. Vous persistez à vous appeler des chrétiens. La Bible utilise ce terme-là d'une manière péjorative. Vous avez le mot bien-aimé qui est utilisé à profusion. À profusion dans les écrits du Nouveau Testament pour nous désigner entre nous. Choisissez. Chrétien, ça c'est un terme péjoratif que des gens d'extérieur ont, avec lesquels les gens d'extérieur de l'Église dénigraient les croyants. La parole de Dieu nous donne un beau terme, bien-aimé. Fait que Pierre, mon bien-aimé, quand je dis ça, là, c'est pas qu'il m'appartient, mais je dis simplement que le Seigneur le bien aime. Vous comprenez? Parce que c'est comme ça que les premiers croyants se sont appelés entre eux, bien-aimés. Et c'est intéressant, c'est que ça focus exactement à l'endroit de l'Épître aux Éphésiens. Jean-Claude, tu es un bien-aimé. J'ai de la misère à dire mon bien-aimé. Des fois, ça pourrait porter à confusion dans certaines circonstances. Mais c'est exactement comme ça que la parole de Dieu veut qu'on se voit. Et les bien-aimés, nous sommes des bien-aimés aux yeux du Seigneur. Utilisons donc ce terme-là. Si vous dites encore le mot chrétien, je ne vous taperai pas ses doigts, faites-vous en pas, puis je n'en voudrais pas, puis je vais comprendre. Mais en restant plus biblique, ça forme notre caractère spirituel. C'est ça aussi qui est important. Bien, c'est dit dans Pierre, n'ayez pas honte de ce nom-là, quand les autres de l'extérieur nous appellent comme ça. Mais les croyants ne s'appelaient pas entre eux chrétiens, parce que c'était négatif. Fait que si vous rencontrez des croyants du premier siècle au ciel, vous les avez traités de chrétiens, peut-être que vous allez avoir des explications à donner. Je vous taquine un peu. OK? C'est sûr que le terme est tellement répandu aujourd'hui, mais dans le fond, si je parle de Pierre comme un bien-aimé, rappelez-vous Jean dans son évangile, qu'est-ce qu'il dit? Il dit celui que... Comment qui se présente dans son évangile, Jean? On n'a pas son nom d'écrit nulle part, on sait juste une chose. Le disciple que Jésus aimait. Lui, peut-être qu'il n'avait pas encore appris le terme bien-aimé là, à ce moment-là, fait qu'il se disait comme ça. Un bien-aimé, tu sais. Écoutez, je ne veux pas faire d'interprétation plus que ça là-dessus, mais ce terme-là, il a affaire avec notre sujet ce matin, indirectement, si vous voulez. Le dernier terme qu'on utilise, qui revient 109 fois, c'est le verbe aimer, vraiment le verbe, qui est traduit par différents termes, mais qui est toujours utilisé par un verbe en français. Qui est agapao, là, qui est le verbe aimer. Puis, vous savez que c'est l'amour selon Dieu. Parce qu'il y a d'autres termes en grec pour dire aimer. Il y a le terme philo, mais il n'est pas utilisé beaucoup dans le Nouveau Testament. OK, philo ou philao. Hein. Qu'est-ce que c'est le premier amour abandonné? Je vous laisse réfléchir un petit peu. Vous avez des versets déjà qui vous mettent sur la piste. C'est sûr que je ne vous rapporte pas les 325 versets, là, si vous faites la somme de tout ça, ça va en faire pas mal. Ce matin, oubliez ça, là, on n'aura pas le temps. Ce serait intéressant un jour que vous le fassiez, mais on va se contenter de certains points, certains versets qui mettent en évidence le premier amour. C'est bon? Parce que Jésus dit à cette église-là, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il faut le savoir, c'est quoi ce premier amour-là qui a été abandonné. Parce que si je ne le sais pas, si nous ne le savons pas collectivement, parce que c'est un reproche à l'Église ici, est-ce qu'il est possible qu'on glisse là-dedans? Hein? Tu as raison, Oda. C'est une très grande possibilité que ça nous arrive. Parce que l'exhortation ici est à l'Église encore. On n'est pas dans l'appel individuel à la fin. Là. Jean 15, 9, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. » On va lire les versets, puis on va revenir en discuter un petit peu après. « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. » Donc, l'amour de Jésus, c'est l'amour du Père à travers Jésus jusqu'à nous. Hein? Parce que si je demeure dans l'amour de Jésus-Christ, je demeure dans l'amour du Père qui a aimé Jésus-Christ. Jean 17, 26, « Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit où? » En eux. Le verset Romains 5, 8 là, qu'on sert souvent à ceux à qui on annonce l'Évangile. « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Oui, Franck. Tu as de la misère à lire, hein? C'est le mot amour qui est en rouge. Fait quand tu ne le vois pas, là, pense à mot amour ou à un verbe. Ouais. La seule chose que je peux te faire comme recommandation, Solange, viens t'asseoir, il y a encore des places libres ici. Tu vas lire. Prochaine fois, je pourrais faire mieux, mais là, je ne peux rien faire maintenant. Fait que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 8, 39, « Ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » S'il y en a qui veulent les références, vous n'avez pas le temps de les prendre ce matin, vous avez juste à consulter mon texte, je vais vous le donner un peu. Ça parle de quel amour ici? De Jésus? Est-ce que c'est juste l'amour de Jésus? Oui. Il y a combien de personnes dans la Trinité? Il y en a trois. Il y a au moins deux personnes qui sont nommées dans ces versets-là. C'est l'amour du Père qui aime Jésus-Christ et qui aime l'humanité à travers Jésus-Christ. OK? C'est des choses qu'on sait, là. Mais c'est bon, des fois, de les présenter d'une manière peut-être un petit peu plus appliquée à l'Église d'Éphèse. C'est que c'est l'amour de Dieu. Le premier amour, ça a à faire avec l'amour de Dieu. Et on le voit au verset Romains 5, 8, là, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions pécheurs. Donc, pas aimable, mais pas aimable, pas en tout. Hein? Christ est mort pour nous. Christ, c'est qui, ça? C'est l'action de Dieu envers l'humanité. Bien sûr que Jésus-Christ a endossé le plan de Dieu, puis bien sûr que Jésus nous aime à travers ça. Parce que si Jésus ne nous avait pas aimés, le plan de Dieu n'aurait pas pu s'accomplir. Ça, c'est clair. Mais ça se tient tout, ça. Un autre verset. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. En passant, notez les références. Hein? Jean, là, c'est le même bonhomme, c'est l'épître qui a été écrit dans cette région-là, là. En premier lieu, qui a été diffusé à Éphèse. Hein, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Nous avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. 1 Jean 14, bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. C'est intéressant, hein? Dieu aime l'humanité à travers Jésus-Christ. Jésus-Christ aime l'humanité parce qu'il aime Dieu. Et nous, on aime Jésus-Christ, mais on aime les autres. Ça se tient. Rappelez-vous, là, à l'église d'Éphèse, il va être dit tout à l'heure, pratique tes premières œuvres. Ça revient, ça, hein? J'ai pas la vertu, là. À quelque part, c'est pas juste aimer d'une façon théorique, mais c'est associé à des œuvres d'amour. Matthieu 22, 37, on revient un petit peu en arrière dans le Nouveau Testament. C'est le grand commandement que Jésus a souligné à quelqu'un qui était venu lui poser une question, c'est quoi le plus grand commandement? Et Jésus a dit une chose, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. C'est sûr que dans la loi, c'est un commandement et c'est pratiquement pas applicable pour l'homme. Parce que c'est exigeant. Parce que l'homme qui essaie de pratiquer ça sans savoir qu'il est aimé de Dieu, garde, il va en arracher. Mais nous, on sait qu'on est aimé de Dieu. L'Église le sait. Luc 7, 47. C'est intéressant, ça, c'est pas un sujet d'enseignement comme tel, doctrinal, mais il y a tellement de belles doctrines là-dedans. Jésus parle d'une femme qui est venue pleurer à ses pieds, qui a essuyé ses cheveux, puis là, les pharisiens étaient tous estomaqués. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Car elle a beaucoup. Ça n'a rien à voir là-dedans. T'sais. Quoi qu'en aimant, elle a été pardonnée. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. C'est sûr qu'on a une explication. Hein? Celui à qui on pardonne peu, aime peu. C'est mon cas, moi, ça, je la misère. Je me dis, c'est là que je bêche le plus. J'ai pas l'impression que Dieu m'a pardonné des grandes affaires. C'est une manière de parler. Vous savez que je le sais au moins par la foi que Dieu m'a pardonné des grandes choses. Mais c'est intéressant que l'amour est associé au pardon aussi. Et Jésus dit de cette femme-là que ses péchés ont été pardonnés. Ça veut dire qu'elle est sauvée. Pourquoi? Parce qu'elle aime. Dans Jean 4, 10, on va aller vite. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimé et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Hein, c'est Dieu qui prend l'initiative de l'amour. Donc, premier amour, c'est que j'aime Dieu parce que Dieu a pris l'initiative envers nous, envers moi. Nous aimons Dieu collectivement, c'est parce que Dieu a pris l'initiative de nous aimer quand on n'était pas aimable. C'est lui qui prend l'initiative et c'est lui qui nous le fait comprendre. Pour nous, nous l'aimons, 1 Jean 4, 19, parce qu'il nous a aimés le premier. C'est-tu clair? Bien aimé, Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Ça, c'est évidemment. Si je suis aimé de Dieu, nous sommes ensemble, collectivement, individuellement, nous sommes un canal de l'amour de Dieu pour les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Donc, à quelque part, les premières œuvres que Jésus dit de pratiquer, dit à l'Église d'Éphèse de pratiquer, sont reliées à sa perte de l'amour, de sa conscience, de l'amour de Dieu. Et pensez-vous que c'était grave? C'était-tu grave? Ça mettait-tu en danger de mort, cette Église-là? Très grave comme situation. Et le Seigneur avait raison de dire, regarde là, si tu fais pas ce que je te dis, là, je vais revenir et je vais enlever le chandelier de sa place. Parce que vous allez perdre c'est un jugement qui va tomber sur l'Église. L'exhortation du Seigneur est très pratique. Hein? Souviens-toi, repens-toi, pratique. Comment qu'une Église fait pour se souvenir d'où elle est tombée de son premier amour? Comment est-ce qu'on fait ça? Je vais vous donner des exemples. Après, les photos qui ont été prises dans le passé, nous autres, on a le choix. Hein? On a une liste de photos. On regarde quand est-ce, à quel moment les gens ont changé de figure. Ça pourrait être une manière de faire. On pourrait faire une commission d'enquête. Quand est-ce qu'on a perdu notre premier amour? Non? Pas bonne chose? Là, je vais de la misère à me faire du capital ce matin. Personne ne va m'appuyer. On pourrait mettre la faute sur les événements qui nous ont affectés. Nous autres, c'est pas drôle. On a vraiment vécu des difficultés. Partie du membership est partie. Une sorte de difficulté comme ça. Peut-être qu'aussi, on a été persécutés. Les gens du voisinage ne nous aiment pas vraiment. Puis, etc. On pourrait mettre la faute là-dessus. Première étape, il faut qu'elle accepte la réprimande du Seigneur Jésus. Si l'Église d'Éphèse ne fait pas ça, là, elle est foutue. Seigneur, tu dis ça de nous? Première étape. Parce que s'il n'y a pas ça, là, tout le reste qu'elle va faire, ça va être juste des actions humaines. J'ai gardé les deux en couleur parce que les autres, vous voyez que c'était des folies, là. Elle examine les œuvres actuelles pour les comparer avec celles qu'elle faisait au commencement. Parce que dans ce cas-ci, le Seigneur dit à cette Église-là, fais les œuvres que tu faisais au début. Si elle ne fait pas ça, elle n'a pas cette comparaison-là entre ce qu'elle fait actuellement et ce qu'elle faisait dans le passé qui était correct. Elle ne pourra pas se souvenir de ce qui est arrivé. Elle doit trouver ce qui n'est plus pratiqué dans ses œuvres actuelles qui était là au début et qui honorait l'amour de Dieu envers elle. Parce que dans le fond, ce qu'elle a perdu de vue, c'est la conscience collective et individuelle, parce qu'on en sait beaucoup de cas, qu'elle est aimée de Dieu à travers Jésus-Christ, comme on l'a vu tout à l'heure dans les versets. Puis là, bien, elle a fait plein d'actions, super organisée, tout ça, mais pas fondée sur la bonne chose. Pratique donc tes premières œuvres. Nous autres, dans notre Église ici, chose extraordinaire, je ne sais pas si le Seigneur nous ferait le même reproche. Je ne suis pas dans ses culottes. Je crois qu'il nous a vraiment parlé à un moment donné dans le passé. Ça a même, nous a même des fois ébranlé pas mal. Pour certains d'entre nous, il y en a même qui s'est ébranlé beaucoup. Mais c'est notre verset que vous avez appris dans le cours de membership ici. Donc là, on a un cours de membres, puis plusieurs, la plupart d'entre vous l'avez suivi. Et ce verset-là vient justement de l'Épître aux Colossiens. Quelqu'un veut lire Jean-Claude? Lis-moi-le tranquillement, puis explique-le un petit peu. Rien d'autre à dire, hein? Gilles, toi, t'as enseigné le cours, tu l'enseignes encore en partie. Si on fait vraiment ça, est-ce qu'on va être focusé sur le premier amour? Ça commence d'abord par dire, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, hein, mon mot bien-aimé qui revient, là. Comment on est? Bien-aimés par qui? Par le Seigneur. Saints et bien-aimés. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Pourquoi se revêter d'entrailles de miséricorde? Parce que c'est ça que Dieu nous a montré dans son amour. La miséricorde. On ne le méritait pas. Et il nous a fait d'une miséricorde. Donc, c'est comme la parabole que Jésus a racontée, hein, le serviteur impitoyable. Il remet une dette de 10 000 talents, je ne sais plus le nombre, là. Puis lui, aussitôt qu'il est pardonné de par son maître, il s'en va dehors, puis il y a quelqu'un qui doit juste 100 deniers, puis il veut l'étouffer, puis il le fait mettre en prison. Mais il n'avait pas compris l'amour du maître, lui. Et ça, là, si vous voulez faire fâcher Dieu, c'est exactement ça qu'il faut faire. Fait que quand je retiens une dette, une faute à quelqu'un, et là, on se parle collectivement, mais individuellement, c'est la même chose, je suis en train de quitter le premier amour. Je suis en train de me prendre Dieu contre moi. Tellement important. Supportez-vous les uns des autres, voyez-vous? Avez-vous remarqué que les paroles de louange viennent juste au verset 16 puis au verset 17 là, pour la reconnaissance. Il y a des étapes avant. Supportez-vous les uns les autres et si l'un a sujet de se plaindre d'un autre, va le voir, envoyez-y là, un juge, fais venir les anciens, n'importe quoi. Non, pardonne-lui. Pourquoi quand tu pardonnes, qu'est-ce qui est important dans le pardon? C'est que tu manifestes que Dieu aime. C'est comme ça que Dieu aime. Et là, je vous le dis, moi qui n'est pas très bon dans les sujets de l'amour, je suis obligé de me rappeler que ce que Dieu m'a pardonné, ça n'a aucune commune mesure avec ce que je peux pardonner à n'importe qui d'entre vous. Même les pires vacheries pourraient me faire. J'en ai fait des vacheries bien plus grandes que ça, Dieu. Mais par-dessus toute autre chose, revêtez-vous de la charité, mot à mot, qui est le lien de la perfection. Là, on commence à avoir des liens. Une fois qu'on est conscient de ce que Dieu fait, puis qu'on s'entretient là-dedans, on est capable d'avoir des liens solides entre nous, puis de s'aimer comme le Seigneur veut qu'on s'aime. Et là, la paix de Christ va régner parmi nous. Et on va être reconnaissant, ça va venir tout seul. Puis là, la parole de Christ là, a fait son travail dans nous, peu importe le sujet. Parce que la base de notre action envers Dieu, ce n'est plus de l'impressionner par nos actes, mais c'est vraiment de goûter son pardon. Autrement, ça devient de la religion. Et ça ne prend pas de temps. Puis là, on peut chanter de tout notre cœur, Hein, Hélène, elle aime ça chanter. Même si elle est opérée, elle chantait tout à l'heure. Sous l'inspiration de la grâce. Et là, tout ce qu'on va faire, en parole ou en œuvre, on va le faire au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce. À qui? À Dieu le Père, qui est la source de tout amour. C'est important de vivre l'amour, le premier amour, comme il faut. Si on ne le fait pas, Jésus va venir, c'est ce que promet l'Église d'Éphèse, il va ôter le chandelier de sa place, à moins que l'Église se repente. Puis le chandelier, là, c'est le support de la lumière, de la chandelle ou de la lampe. C'est ça un chandelier. Hein? Matthieu 5, 13, Jésus va nous en parler de la lumière. Il dit, vous êtes le sel de la terre, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. On a tant tendance à se voir tout seul comme lumière, mais on est la lumière ensemble. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, c'est sûr. Hein? Une ville sur une montagne, tu vas avoir de partout. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. La volonté du Seigneur, c'est qu'on soit sur le chandelier. Mais si on n'est pas capable d'être sur le chandelier, parce que le témoignage qu'on va rendre, c'est un témoignage que Dieu haït tout le monde. Regardez, là, le Seigneur va nous ôter de là. Que votre lumière, on va dire en parenthèse, votre bonne lumière de l'amour de Dieu, luise ainsi devant les hommes. Hein? Afin qu'ils voient, quoi? Vos bonnes œuvres, parce que cette lumière-là va se manifester par des bonnes œuvres. Et qui glorifie votre Père dans les cieux. Dans le même sens, je donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous aime. Voyez-vous, la base, c'est comme je vous ai aimé, ce qui me permet d'aimer les autres, même quand ils sont difficiles à aimer. Ce qui me permet de me dévouer, ce qui permet à Jean-Claude d'être patient encore 5 minutes, ça va être fini. Parce que c'est lui qui préside. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Le Seigneur, là, ce n'est pas un sujet anodin, l'histoire du premier amour de l'Église d'Éphèse. C'est un sujet fondamental. C'est un sujet qui rend témoignage, un très bon témoignage à Dieu. Puis si Jésus-Christ enlève le chandelier de sa place, le chandelier n'éclairera plus autour de lui. Là. Et tous ne connaîtront pas que nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Maintenant, supposons que vous êtes dans une église qui, malheureusement, a un chandelier qui est enlevé de sa place. Ça peut arriver. Ça se peut que vous soyez appelé à travailler là, à souffrir cette situation-là. Le témoignage, la lumière qui devrait se rendre par le peuple de Dieu n'est pas parfait. Vous êtes quand même appelé, individuellement, à vous souvenir de l'amour de Dieu. Et pouvez être quand même un témoignage. Parce que c'est pour ça qu'il y a une promesse pour les individus à la fin. Hein? C'est pour ça qu'il y a une promesse pour l'individu à la fin. Celui qui vaincra quoi? Cette situation-là du premier amour qui a été oublié, abandonné. Je donnerai de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. OK? Ça fait que on a une sévère exhortation à persévérer dans cette action-là. Je crois vraiment que l'Église ici a vécu cette situation-là et qu'elle est en train de se souvenir d'une manière complète. C'est pas un jugement ce matin. Des fois, je fais de l'air avec ma voix. Je peux paraître vous juger, mais le but, c'est pas ça. C'est la parole de Dieu qui nous juge. Et je suis convaincu que l'Église ici, elle a été jugée par le Seigneur de cette manière-là. Et elle a dû se souvenir de ses premières œuvres. De se souvenir de son premier amour et de se souvenir de pratiquer ses premières œuvres. Puis souvent, on pense au premier croyant qui s'est converti, puis il est tout feu, tout flamme pour le Seigneur. Pourquoi il est tellement conscient du pardon de Dieu à ce moment-là qu'il n'y a plus rien qui l'importe que de témoigner de Jésus-Christ? Bon, il ne fait pas toujours avec sagesse, pas toujours correctement, mais ça, c'est pas grave. Le point, c'est qu'il est conscient du pardon de Dieu. Et on doit s'entretenir là-dedans. Puis si quelque part on lutte avec un manque de pardon, c'est un péché grave. Ça l'affecte toutes nos vies, ça l'empoisonne nos vies, ça l'empoisonne la vie du corps de Christ. On ne doit pas tolérer ça, ni collectivement, ni individuellement. Ça ne veut pas dire qu'on pardonne les fautes instantanément, là, dans le sens qu'il faut que la faute soit avouée. Mais on ne doit pas vivre avec une situation de manque de pardon. OK?